deux culs, petit bâtard, arrache ta face de ce gay. Eh, c'est son studio, ça se tue, ouais, c'est la war, c'est sûr, je veux finir, yes. À part ces vieilles de pute, à part ces vieux fils de lâche, dans ma vie, parce que moi ça se passe. Fais les pesos sans stress, on a la cons qui pue, on a le bon qui tue, tout dans les testicules. Jamais besoin de tuto, jamais besoin de tuteur, t'es moi, j'ai le flow trop élevé pour toi. Demande pas comment je fais, j'ai ça dans le sang, prends le scène, pourquoi. Demande pas pourquoi, ça l'a fait à la Z. Demande pas pourquoi, dans ma tête y'a que la zik et l'oseille. Moi toute ma vie c'est ce qu'elle est shit. Nique ses faces, nique ses filles, tous ces MC méritent des gifs. Ils fument tous du com, ouais gars c'est triste. J'ai le regard aigri, on a tous deux chemins décrits. Un jour t'es tout seul, et un jour t'es pris. Gars je suis dans la part, ouais dans la trappe, faut qu'on t'attrape. Étape par étape, ouais le niveau s'élève. Je veux millions de dollars de l'or, bah les couilles devenir célèbre. Et sur mes lèvres, j'ai qu'allumé, tu rallumes. Ta pète à son lumée, ouais loin devant, je les vois avec la jumelle. Et je suis plus le même, quand j'y pleut le soir. Gars tu te déçois, retourne pop tes ex t'en reçois. T'es pété gars, va falloir qu'on t'arrête. C'est de l'euro les barrettes, milliards sur planète, la moitié sont pas net. J'suis dans le mal, qui je t'en pas non, j'm'en fous ta plastique. J'suis tout faillé, là mon cœur palpite, j'ai non fait palpitre. T'as pas senti ça, là t'as pas le pif, tu l'as pas fait. Nous on sait ici que t'as pas le paf, ils sont pas parés. Des négros, hey, yeah, ils ont sur Paname. On va te couper tes lèvres, j'ai envie de sortir vos noms. Tellement vous êtes dégueulasse. Dans vos studios ça sent la chasse. Ce qui est notre famille, hey, tu sais à qui je chante la main. Moi je passe mon pain, l'opi arrive comme la famine, hey. J'suis là pour la drogue, j'suis là pour les tuels, j'suis là pour la vente féminine, hey. T'avais César, Sissi, Mazo, rigolait bien avant de me voir. Tu voulais garder ton pouvoir, j'ai vu sa faiblesse dans le pouvoir. J'ai mal aux yeux, éteint pour voir, c'est malaisant autant pour moi. J'crois qu'il est temps de leur dire, j'crois qu'il est temps de leur montrer comme c'est ça. Lançons c'est pas trop factice, lançons le rap qui s'active. Mais si ça se connecte ensemble, tu veux parier. On n'a jamais rien su faire à part être spontané.